Trésor doré de Hans Christian Andersen. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 1. La femme du tambour alla à l'église. Elle vit le nouvel autel tout couvert d'images peintes et de jolis anges sculptés. Toutes ces figures étaient magnifiques, celles des tableaux qui brillaient dans leurs auréoles comme celles qui étaient ciselées en bois, peintes et dorées. Leur chevelure resplendissait comme un soleil. C'était une merveille. Mais le soleil de Dieu était encore bien plus beau. Quand il se couchait, comme ses rayons étaient superbes à voir à travers le feuillage sombre, quel éclat de lumière, quel rouge magnifique! Et la femme du tambour regarda le ciel tout empourpré. Elle crut voir Dieu face à face. Et elle réfléchit profondément, pensant au petit enfant que la cigogne devait lui apporter. Comme cette idée la rendait joyeuse, et les yeux toujours fixés sur l'horizon doré, elle se mit à souhaiter que l'enfant eût quelque chose de cet éclat du soleil, ou qu'il ressemblât au moins à un de ces anges brillants du bel autel neuf. Et lorsqu'elle tint réellement le petit dans ses bras et qu'elle le présenta au père, l'enfant était tout pareil à un des anges de l'église. Ses cheveux reluisaient comme de l'or, l'éclat du soleil couchant y brillait. « Mon trésor doré, mon tout, mon soleil !» s'écria la mère en baisant les boucles aux reflets luisants. Et ses accents de joie retentissaient dans la chambre du tambour comme une musique. Que de gaieté, de vie, de mouvement ! Le père frappa un roulement sur le tambour avec lequel il annonçait les incendies. Mais cette fois, c'était un roulement joyeux. Le tambour ronflait, ronflait. « Rataplan !» disait-il. « Rataplan ! Des cheveux roux ! Le petit a des cheveux roux ! Croyez la peau du tambour ! Et non ce que dit sa mère. Rataplan ! Rataplan !» Et la ville, en effet, dit comme disait le tambour qui lui annonçait les incendies. Chapitre 2. Le petit garçon fut porté à l'église. Le petit garçon fut baptisé. Il n'y a pas grand-chose à dire du nom qu'on lui donna. On l'appela Pierre. Toute la ville, le tambour y compris, le nommait Pierre, le fils du tambour, le garçon aux cheveux roux. Mais sa mère embrassait ses cheveux roux et l'appelait Trésor doré. Sur les pentes du chemin creux près de la ville se trouvaient des couches d'argile. Bien des gens y avaient, avec leurs couteaux, gravé leur nom, dans l'espoir sans doute qu'on en garderait le souvenir. « La célébrité, disait le père de Pierre, c'est toujours quelque chose. » Il écrivit aussi son nom et celui de son petit garçon. Survinrent les hirondelles. Elles avaient, pendant leur longue migration, vu des caractères autrement durables, inscrits sur les rochers et les murailles des temples, dans l'Hindoustan. Ils rapportaient les hauts faits de monarques puissants, ayant vécu dans un âge si reculé que personne ne savait plus lire leurs noms, qu'ils avaient crus immortels. Les hirondelles savaient ce que vaut la célébrité parmi les hommes. Elles bâtirent leur nid dans le chemin profond, creusèrent des trous dans les pentes, la pluie, la verse, émietta l'argile et emporta les noms du tambour et de son petit Pierre. Pierre méritait que son nom ne disparût pas si vite. Il avait de l'avenir. C'était un enfant plein de vie et de gaieté que le fils du tambour aux cheveux roux. Il possédait une jolie voix. Il chantait comme les oiseaux de la forêt. On aurait dit que ses chansons étaient les mélodies d'un grand compositeur. Et cependant, elles n'étaient imprimées nulle part. « Il faut qu'il devienne enfant de cœur, dit la mère, qu'il chante à l'église, là, parmi les beaux anges dorés auxquels il ressemble. » Les beaux esprits de la ville ne trouvaient pas cela. « Chat, couleur de feu !» Voilà comment ils appelaient Pierre. « Ne rentre pas chez toi, lui disaient les polissons des rues. Si tu vas au grenier, tes cheveux mettront le feu à la paille, et ton père devra faire résonner son tambour pour annoncer l'incendie. « Mais auparavant, répondait Pierre, il me prêtera ses baguettes pour vous rosser. » Et tout petit qu'il était, il s'avança avec hardiesse, donna un coup de poing au plus insolent des gamins et l'étendit par terre. Les autres prirent la fuite. La ville entretenait un musicien. Il enseignait le chant aux écoliers. C'était un homme comme il faut, un élégant. Il était fils d'un laveur de vaisselle de la maison du roi. Il emmenait quelquefois Pierre chez lui, lui mettait en main un violon, et lui apprenait à en jouer. On aurait dit, à voir le mouvement rapide des doigts de l'enfant, qu'il voulait être mieux que tambour, qu'il voulait devenir musicien de la ville. Je veux être soldat, dit tout à coup Pierre. Il était encore un tout jeune garçon, et il croyait que c'était la plus belle chose du monde que de porter un fusil et de marcher ainsi, une, deux, et d'être en uniforme et d'avoir un grand sabre. Contente-toi donc d'être tambour, lui disait son père. Rataplan, plan, plan, rataplan, ce serait beau d'être soldat si tu pouvais t'élever jusqu'au grade de général, mais pour cela, il faudrait qu'il y eût une guerre. Que Dieu nous en préserve, dit la mère. Oh, nous n'avons rien à perdre, dit le père. Comment rien? Et notre garçon? Oui, à moins qu'il ne nous revienne général. Sans bras ni jambes, peut-être? Non, je préfère garder mon trésor doré, sain et sauf, dit la mère. Rataplan, plan, plan, rataplan. Un roulement terrible se fit entendre à travers le pays. Tous les tambours résonnaient. La guerre était venue. Les soldats marchèrent au-devant de l'ennemi et avec eux le garçon du tambour. « Mon trésor doré !» disait la mère en pleurant. Le père s'imaginait que Pierre serait un héros et qu'on graverait son nom sur le marbre. Le musicien de la ville trouvait que l'enfant n'aurait pas dû aller à la guerre, qu'il aurait dû rester, apprendre la musique et jouer du violon. Chapitre 3 « Rougeau !» disaient les soldats. Et Pierre riait, car il était d'humeur joyeuse, toujours dispos, toujours alerte. Cela vaut mieux que la gourde la mieux remplie. Bien des nuits, il lui fallut, par la pluie, par l'averse, reposer à ciel ouvert, trempé jusqu'aux os. Sa gaieté ne le quitta pas. Il faisait aller ses baguettes, et l'on entendait « rataplan ». Tout le monde debout, « rataplan ». Oui, vraiment, il était né pour être tambour. Arriva le jour de la bataille. Le soleil n'était pas encore levé, mais il faisait déjà clair. L'air était froid, le combat chaud, il y avait du brouillard, mais encore plus de fumée de poudre. Les balles et les grenades volaient par-dessus les têtes, d'autres se logeaient dans les crânes, les corps, les membres, on marchait tout de même en avant. Tantôt l'un, tantôt l'autre tombait sur ses genoux couverts de sang, le visage blanc comme de la craie. Le petit tambour avait ses bonnes couleurs de tous les jours. Il n'avait aucun mal. Il s'amusait à regarder les gambades du chien du régiment qui sautait devant lui. Il avait une mine aussi joyeuse que si les balles qui tombaient autour de lui n'étaient que des billes faites pour jouer. « Marche en avant, marche !» Tel fut l'ordre que reçut d'abord le petit tambour. Cependant, la retraite était facile et il pouvait être sage de se replier. En effet, on commanda « en arrière !» Mais le tambour fit entendre « marche, en avant !» C'est comme cela que Pierre avait compris l'ordre, et les soldats obéirent à la peau de tambour. Cela fut un fameux roulement. Il leur donna la victoire au moment où ils allaient céder. La bataille avait coûté cher, les grenades avaient décimé les bataillons, les grenades avaient dispersé au loin les lambeaux de chair humaine, les grenades avaient mis en flamme les tas de paille où les blessés s'étaient traînés. Il ne sert à rien de penser à tout cela. Et cependant, on y pensait, même loin de la bataille, dans la ville paisible. Le tambour et sa femme y pensaient sans cesse. Pierre, n'était-il pas à la guerre? Chapitre 4 Le soleil n'était pas encore levé, mais il faisait déjà jour. Le tambour et sa femme dormaient enfin. Toute la nuit, ils avaient parlé de leur fils. N'était-il pas bien loin, à la garde de Dieu? Le père rêva que la guerre était finie, que les soldats étaient rentrés chez eux et que Pierre portait une croix d'argent sur sa poitrine. Mais la mère rêva qu'elle était entrée à l'église et qu'elle y avait vu les images peintes et les anges sculptés aux cheveux dorés. Et son enfant chéri, le trésor de son cœur, était parmi ces chérubins aux habits blancs. Il chantait comme les anges seuls peuvent chanter. Il s'éleva en l'air avec eux vers les rayons du soleil et il fit signe à sa mère avec amour. « Mon trésor doré » s'écria-t-elle, et elle s'éveilla. Notre Seigneur l'a pris auprès de lui. Elle joignit ses mains, plongea sa tête dans les rideaux de coton et pleura. « Repose-t-il, avec tous les autres, dans la grande fosse où sont les morts, peut-être au fond d'un marais? Personne ne connaîtra sa tombe. La parole de Dieu n'a pas été dite sur ses restes. » Et la prière de notre Père passa sur ses lèvres sans qu'elle remuasse. Sa tête s'inclina, la pauvre femme était si fatiguée de ses veilles, elle sommeilla, les jours se passèrent en vie et en rêve. Chapitre 5 Au-dessus du champ de bataille s'étendit un arc-en-ciel qui allait de la forêt au profond marécage. On dit, et c'est resté dans la croyance populaire, là où un arc-en-ciel touche la terre, un trésor se trouve enfoui, un monceau d'or. Et là, en effet, dans la forêt, était trésor doré. Personne ne pensait au petit tambour, excepté sa mère. Pas un cheveu de sa tête n'avait été courbé. Pas un de ses cheveux dorés ne lui manquait. Rataplan, Rataplan, c'est lui, c'est lui. La guerre finie, la paix conclue, les soldats reprirent le chemin du pays, couverts des vertes couronnes de la victoire, poussant des hurrahs, des chants d'allégresse. Le chien du régiment gambadait en avant, décrivant de grands cercles, et faisant trois fois le chemin qui était cependant assez long. Et des semaines se passèrent, et puis des jours, et Pierre entra dans la chambre de ses parents. Il était aussi brun qu'un sauvage. Ses yeux étincelaient de joie, son visage rayonnait comme un soleil. Et la mère le tenait dans ses bras. Elle baisait ses yeux, ses cheveux roux. Ne possédait-elle pas de nouveau son fils? Il n'avait pas la croix d'argent, comme le père l'avait rêvé, mais il avait ses membres saufs, ce que la mère n'avait pas rêvé. Et c'était là une joie. Il riait et pleurait à la fois. Et Pierre embrassa le vieux tambour aux incendies. « Te voilà, chère vieille carcasse, » dit-il. Et le père y fit retentir un roulement. « Mais on dirait réellement un incendie, » disait la peau de tambour. « Que de mouvement ! C'est que leur cœur est tout en feu. » Chapitre 6. Et quoi maintenant ? Oui. Quoi ? Demandez-le aux musiciens de la ville. Pierre dépasse tout à fait le tambour, dit-il. Pierre me dépasse moi-même. Le musicien de la ville était cependant le fils d'un laveur de vaisselle de la maison du roi. Mais tout ce qu'il avait appris pendant la moitié de sa vie, Pierre le savait au bout d'une demi-année. Il y avait en lui quelque chose de si franc et de si joyeux, de si intimement bon et doux. Ses yeux brillaient. Et ses cheveux brillaient. Cela, on ne pouvait pas le contester. « Il devrait se faire teindre les cheveux, » dit la voisine. Cela a parfaitement réussi à la fille du commissaire, et elle a fini par trouver un mari. Oui, mais ils devinrent aussitôt verts, et il lui fallut les teindre et reteindre sans cesse. « Elle sait se tirer d'affaire, » reprit la voisine. « Et Pierre le sait aussi. Il est reçu dans les maisons les plus comme il faut, chez le bourgmestre même. » Il y donne des leçons de piano à Mademoiselle Charlotte. C'est qu'il savait jouer. Oui, ce qui s'appelle jouer. Il faisait entendre les plus beaux morceaux. Ils ne se trouvaient écrits sur aucun papier de musique. Il les tirait du fond de son cœur. Il jouait sans cesse, dans les nuits claires, dans les nuits sombres. Cela finit par être insupportable, disait la voisine. Et le tambour à incendie trouvait aussi que trop, c'est trop. Il joua tant que ses idées fermentèrent et qu'il en surgit de grands projets. Il se rappela son nom inscrit par son père sur l'argile du chemin creux. Célébrité. Charlotte, la fille du bourgmestre, était au piano. Ses doigts délicats couraient sur les touches. Les sons qu'elle en tirait faisaient vibrer le cœur de Pierre. Et cela n'arriva pas une fois, mais bien souvent. Un beau jour, il saisit ses doigts délicats et cette jolie main, et il la baisa et regarda en face dans les beaux yeux de Charlotte. Dieu sait ce qu'il lui dit, cependant il nous est permis de le deviner. Charlotte rougit jusqu'au cou, jusqu'aux épaules, et ne répondit pas un mot. Des étrangers entrèrent dans la chambre, le fils du conseiller d'État. Il avait un front haut et blanc. Il tenait sa tête en arrière, au point que sa nuque touchait presque son dos. Et Pierre resta encore longtemps auprès de Charlotte, et elle le regardait avec des yeux doux. Chez lui, le soir, il parla du vaste monde et du trésor qui était caché dans le creux de son violon. Célébrité. « Toumeloum, toumeloum, toumeloum !» dit le tambour aux incendies. « Voilà Pierre qui est entièrement fou. On devrait bien exécuter sur moi un roulement, car ma foi, je crois que sa tête est tout en feu. » Le lendemain, la mère alla au marché. « Sais-tu la nouvelle, Pierre ? » dit-elle en rentrant. « Une grande nouvelle ? Charlotte, la fille du bourgmestre, est fiancée avec le fils du conseiller d'État. Cela s'est décidé hier soir. »« Non, c'est impossible, » dit Pierre en bondissant de sa chaise. La mère reprit. « C'est certain. » Elle tenait la chose de la femme du coiffeur qui l'avait apprise de la bouche même du bourgmestre. Et Pierre devint pâle comme un mort et se rassit. « Dieu, qu'as-tu ? » dit la mère. « Laisse, laisse, ce n'est rien. Laisse-moi en repos, » dit-il, et les larmes coulaient sur ses joues. « Mon doux enfant, mon trésor doré !» dit-elle, et elle pleurait. Et le tambour aux incendies chantonnait à part soi « Charlotte est morte, Lotte est morte, c'est la fin de la chanson. » Chapitre 7. Mais la chanson n'était pas finie. Il y avait encore bien des strophes, et les plus belles. Elle disait combien la mère avait eu raison de surnommer son fils « Trésor doré ». « On dirait vraiment qu'elle devient folle, » dit la voisine. « Elle veut faire lire au monde entier les lettres qu'elle reçoit de son trésor doré. Elle veut encore qu'on écoute ce que les gazettes disent de lui et de son violon. Et elle vous raconte combien il lui envoie d'argent. Elle en a besoin du reste, depuis qu'elle est veuve. « Il joue devant des empereurs et des rois, » dit le musicien de la ville. « Moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais il est mon élève. Il n'oublie pas son vieux maître. » Son père rêva. « Dieu le pardonne, » dit la mère, « que Pierre était revenu de la guerre avec une croix d'argent sur la poitrine. Il ne l'a pas eu à la guerre, mais c'est bien plus difficile de l'obtenir comme il l'a gagné. Le voilà donc avec la croix de chevalier. Ah, si son père avait pu vivre pour le voir !»« Célèbre !» disait le tambour aux incendies, et toute la ville disait de même. Oui, le fils du tambour, Pierre aux cheveux roux, Pierre qu'ils avaient vu enfant courir en sabots, le petit violonneux qui faisait danser, célèbre ! Il jouait chez nous avant qu'il se fît entendre devant les rois, dit la femme du bourgmestre. Alors, il était éperdument épris de Charlotte. Il a toujours eu de hautes visées, mais il perdait la tête. Mon mari ne se tenait pas de rire lorsqu'il a pris cette folie. Maintenant, Charlotte est conseillère d'État. Oui, Dieu avait placé un trésor dans le cœur du pauvre enfant qui, petit tambour, avait donné le signal « Marche, en avant !» qui avait fait vaincre ceux qui allaient reculer. Il y avait un trésor dans son âme, la puissance des sons. Il faisait retentir son violon comme si tout un orgue y était renfermé, ou comme si tous les elfes d'une nuit d'été dansaient sur les cordes. Ensuite, on entendait le chant de la grive, et encore la voix claire et pleine de l'homme. C'est pourquoi sa musique pénétrait les cœurs de délices et faisait résonner son nom comme un écho à travers le monde. C'était là un incendie, un feu d'enthousiasme. Et puis, comme il est bien de sa personne, comme il a bonne mine, disaient les jeunes dames et les vieilles aussi. Oui, tel d'un âge respectable, imagina de se faire un album des cheveux de gens célèbres, rien que pour avoir occasion de lui demander une boucle de sa superbe et riche chevelure, de ce trésor doré, de ses cheveux roux dont les gamins s'étaient tant moqués. Et Pierre, habillé comme un prince, plus heureux qu'un roi, entra dans le pauvre logis du tambour. Ses yeux étaient limpides, comme autrefois. Son visage rayonnait comme un soleil. Il serra sa mère dans ses bras, elle baisa ses lèvres brûlantes et pleurait. Mais comme on ne peut pleurer que de joie et de bonheur. Et lui, il saluait chacun des vieux meubles de la chambrette, l'armoire avec les tapis à thé et le vase à fleurs. Il salua le fauteuil où, enfant, il avait dormi. Il alla chercher le vieux tambour aux incendies, le plaça au milieu de la chambre et lui dit, ainsi qu'à sa mère, « Certes, mon père aurait aujourd'hui exécuté un fameux roulement. C'est à moi, donc, de le faire à sa place. » Et il fit aller les baguettes de telle sorte qu'on aurait dit un véritable tonnerre. Le tambour s'en trouva si honoré qu'il en déchira sa peau pour ne plus avoir à faire retentir quoi que ce soit après ce roulement des roulements. « Il a une fameuse poigne, » dit-il, « un coup de baguette superbe. Maintenant, j'ai pour toujours un souvenir de lui. Et sa mère, ne dirait-on pas que le contentement qu'elle éprouve en revoyant son fils va lui jouer un mauvais tour ? Pourvu qu'il ne lui arrive pas ce qui vient de m'arriver à moi-même. » Ce furent les dernières paroles du tambour et la fin de l'histoire de Trésor doré. Ici se termine Trésor doré de Hans Christian Andersen.